Sortez, votre émission culturelle et artistique sur la rage. Bienvenue sur La Rage 99.1 pour ce premier numéro de votre émission Sortez qui décrypte l'actualité culturelle et artistique du Val de l'Indre. Nous avons la chance d'enregistrer ce premier numéro au Wagon à Saint-Bran où nous accueillent Anne-Marie Renaud et Lauriane Caillot. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ben merci à toi de nous accueillir. Bah non, c'est vous qui me... c'est vous qui nous avez proposé de venir au Wagon, donc c'était un plaisir que de répondre positivement à cette invitation et de faire cette émission directement dans le lieu dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les Wagons de Saint-Bran. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux d'abord pour commencer? Oui. Choisissez. Eh bien moi, je suis Anne-Marie Renaud, donc je suis présidente de la compagnie de la Marante et de la nouvelle association que nous avons créée, qui s'appelle Les Wagons. D'accord. Voilà. Lauriane? Oui, alors Lauriane Caillot, donc j'ai travaillé pendant 5 ans à la compagnie de la Marante et donc aujourd'hui je suis bénévole et adhérente à l'association des Wagons. D'accord, très bien. Donc notre émission vous sera entièrement consacrée à toutes les deux, à ce lieu, au parcours de ce lieu, à sa programmation culturelle, à son avenir aussi. Alors Anne-Marie, est-ce que en tant que présidente de l'association des Wagons, peux-tu nous expliquer d'abord l'histoire de ce lieu et avant tout d'abord pourquoi des Wagons ? Alors l'histoire du lieu, tout d'abord, ces wagons ont été construits comme décor pour une pièce qui s'appelait Architruc de Robert Pinget que Thierry Tchanchong a mis en scène. Mmh. Ils ont été installés au Vinci, à côté de la gare de Tours, et c'était en 2002. D'accord. Et à l'issue des spectacles, ils devaient partir à la déchetterie. Et en fait, la municipalité de Chambray a trouvé que c'était un beau lieu, que c'était dommage de les détruire. Et par conséquent, ils nous ont invités en résidence à Chambray pendant 3 ans. D'accord. Et en 2005, les 3 ans étant terminés, nous sommes venus à Saint-Bran. D'accord. La municipalité de Saint-Bran nous a accueillis sur son territoire. Et depuis 10 ans, donc, nous sommes à Saint-Bran et nous programmons une dizaine de spectacles par an dans ce lieu. D'accord. Et du coup, vous êtes installé juste à côté de la gare, de l'ancienne gare. Exactement. Donc ça, c'est le hasard. Hein. Ouais. En fait, c'est Avenue de la Foire, l'adresse exacte. Des Wagons ? Oui. D'accord. On a cru pendant un moment que c'était rue de la gare, mais en effet, l'ancienne gare est toujours construite à côté des Wagons, et donc voilà, on est très bien placé à côté de la salle des fêtes, voilà, il y a de quoi se garer quand on vient voir le spectacle. D'accord. Il y a un petit terrain herbeux tout autour, une petite plateforme où on peut sortir les tables et les fauteuils l'été pour prendre un verre à l'issue des spectacles. D'accord, donc justement, on parlait de spectacle. C'est l'objectif principal de ce lieu, c'est d'être un lieu de programmation culturelle, là où on fait des spectacles, ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs à ce lieu ? Est-ce qu'il y a d'autres activités ? Est-ce qu'il y a d'autres formes culturelles ici ? Des ateliers ? Alors oui, il y a eu des ateliers, là, au jour d'aujourd'hui. On n'accueille plus d'ateliers au Wagon. Donc, c'est un lieu de programmation de septembre à mai-juin, à peu près. Là, aujourd'hui, l'association des Wagons, donc, qui reprend le lieu, souhaite ouvrir ses portes, en fait, pour accueillir des artistes en résidence, par exemple. D'accord. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que des artistes en résidence ? Parce que tout le monde n'est pas forcément... Oui. On est du métier dans le domaine culturel, on sait ce que ça veut dire, mais tout le monde n'a pas forcément la signification de ce qu'est un artiste en résidence. À quoi ça correspond et quels sont les objectifs d'un artiste qui entre en résidence, justement ? Oui, alors un artiste qui rentre en résidence, sur une période établie, ça peut être une semaine ou deux, et en fait, l'artiste vient pour travailler sa création à n'importe quelle étape de sa création. Ça peut être au début, donc pour sa réflexion, ça peut être en cours ou pour finaliser au niveau son, lumière, et aussi pouvoir présenter au public une sortie de résidence. Donc pour avoir des retours, parce que les artistes sont très à l'écoute de des remarques qu'on peut leur faire. Ouais. Ça leur permet également d'avoir un recul aussi sur leur travail, parce que pendant une semaine ils sont plongés dans ce lieu, et ça permet d'avoir un recul. Donc voilà, ça donne la possibilité aux artistes de travailler. D'accord, très bien. Donc les wagons sont aussi un lieu de résidence et un lieu de programmation. Quel type de spectacle on peut y voir au wagon ? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une ligne directrice, ou est-ce qu'au contraire c'est très ouvert ? Bon, une ligne directrice, je ne sais pas, très ouvert certainement, mais c'est très subjectif, bon, ce que on je a dis. Voilà, on a surtout la volonté de proposer des spectacles de qualité. Hein, dans le domaine de la chanson, des concerts, de la musique, du théâtre. Donc voilà, c'est surtout ça notre objectif. Hein, et bon, je pense que on a aussi proposé cette année un spectacle jeune public. Voilà, on voudrait aussi diversifier pour toucher un public plus large. Bien sûr. Donc cette année, on a innové dans le spectacle jeune public et ça s'est très très bien passé. C'était un dimanche après-midi. On a aussi le projet justement de varier. Avant, c'était toujours le samedi soir, et là, de proposer le vendredi, le samedi, le dimanche, d'ouvrir aussi à un public plus âgé. Hein, le prochain spectacle dont on vous parlera tout à l'heure, par exemple. Oui. Donc, mais aussi, donc, avec la Compagnie de la Marante, on proposait des ateliers de théâtre pour les enfants et les adultes. Et aujourd'hui, on va plutôt proposer des ateliers d'écriture. Hein, on va mettre en place des ateliers d'écriture autour de la nouvelle. C'est prévu pour le 23-24 avril de cette année. Et autour de la chanson française. Donc il y aura bien sûr quelqu'un de compétent, hein, qui viendra animer cet atelier, à peu près une dizaine de personnes. Donc il reste des places, hein, vous pouvez vous inscrire sans problème. Voilà, donc et on vous donnera les détails et les renseignements nécessaires pour participer à ces ateliers qui nous paraissent intéressants. D'accord, donc on l'a compris, il y a une évolution dans ce lieu, il y a une cassure, une évolution. Est-ce que, tout à l'heure vous parliez de la Marante, puis des wagons, est-ce qu'on peut être un peu plus clair pour les auditeurs ? Qu'est-ce que la Marante et qu'est-ce que les wagons ? Pour que les gens fassent bien la distinction. Et quand ils viennent ici, est-ce qu'ils viennent au wagon ou est-ce qu'ils viennent voir la Compagnie de la Marante ? Non, ils viennent au wagon. Ils viennent au wagon. Même quand, quand la Compagnie de la Marante existait, on parle, enfin les gens, voilà, vont au wagon de Saint-Branc, et les habitants et les alentours se sont appropriés les wagons. D'accord. Donc ils viennent vraiment au wagon. Si je peux différencier, la Compagnie de la Marante avait plusieurs volets, un volet création. Donc, au niveau des pièces de théâtre. C'est une compagnie professionnelle, en tout fait. Tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, création de pièces de théâtre. D'accord. Atelier également théâtre. Et le suivi de la programmation des wagons. Donc, en fait, pour résumer, la Marante, c'est la compagnie professionnelle. Oui. Et les wagons, c'est le lieu. Oui. Voilà. Mais moi, j'aimerais préciser quelque chose en ce qui concerne justement la Compagnie de la Marante a été créée en 1999. Oui. Donc, à l'époque, donc c'était exclusivement pour les créations de son directeur artistique. D'accord. Et aujourd'hui, les wagons n'ont été construits qu'en 2002. Donc, oui, sont arrivés dans le cadre après. D'une création donc, on à a là-bas. Gardé. Oui, voilà, d'accord. Les wagons se sont raccrochés à cette compagnie. Et aujourd'hui, les créations sont sorties. Et donc, il ne reste que les wagons, d'où le nom a été très facile à choisir parce que les wagons, tout le monde les connaît. Et donc, c'était facile de les appeler les wagons. Voilà. D'accord. Et donc, dans ce lieu, il y a une programmation, à peu près une dizaine de spectacles par an. Alors, on parle de saison, c'est-à-dire que les spectacles vont de septembre à juin, en gros. Est-ce que vous avez des aides au niveau municipal, au niveau communautaire, au niveau de la région, pour faire vivre ce lieu ? Comment vit financièrement ce lieu ? Alors, je sais que c'est le sujet. Jusqu'en 2015, décembre 2015, oui. Nous étions aidés par le pacte donc projet artistique culturel de territoire. Oui. Voilà, où on avait... Alors le pacte, c'est la région. Hein. Le pacte, c'est la région, tout à fait. Voilà, donc on avait une aide de la région à hauteur de 50% du budget artistique. D'accord. Et en 2016, le pacte voilà, s'est arrêté pour nous. C'est un choix politique. Et on fait plus partie du pacte. Aujourd'hui, sur la CCVI, il reste que l'espace Jean Cocteau à Mont qui est suivi. Donc, on travaille, pour justement réintégrer le pacte en 2017. D'accord. Mais donc, ça veut dire forcément passer par la communauté de communes, puisque pour être, il n'y a que les communautés de communes qui sont porteuses de pacte. Oui, c'est ça. Qui peuvent accéder aux subventions de la région. Oui. Oui, c'était un choix de la communauté de communes d'ouvrir le pacte. Et on en bénéficiait jusqu'à présent. Là, voilà, c'est un choix politique, donc c'est fermé pour nous. Donc voilà, on espère réintégrer le pacte en 2017. Mais en parallèle, voilà, on essaie d'étudier d'autres idées de subventions ou d'aides financières au niveau privé, au niveau mécénat. Ouais. D'accord. Donc on peut faire un appel, hein, oui. si on peut aider. Voilà. Allez-y, c'est le moment. On a, puisque l'association maintenant a 75 adhérents et on a constitué des commissions et on a fait une commission justement recherche de financement. D'accord. Et là, on va monter un dossier. On a un contact avec la fondation SNCF, donc on est bien placé pour peut-être demander et les attirer pour nous donner quelque chose. Donc on va prendre aussi notre bâton de pèlerin et essayer d'aller contacter les entreprises de la région pour nous donner un petit quelque chose. On n'est pas très gourmand, on n'a pas besoin d'un gros financement, mais quand même un petit peu pour justement pouvoir payer les artistes, parce que c'est quand même leur métier et on a besoin de les rétribuer à la hauteur de leur travail. Moi, ça me paraît très important. Et heureusement, on a aussi le public qui est vraiment très présent. Hein. La salle est pleine pratiquement à chaque spectacle et ça nous encourage énormément à continuer parce que c'est quand même un lieu de proximité. Ce qui s'y passe est très important. Et au niveau des financements, on a aussi quand même une aide de la municipalité de Saint-Bran, hein, qui nous paye l'électricité. Donc oui. Donc ça c'est très important, qui nous permet aussi d'être sur un lieu de la commune. Mmh. On a aussi des possibilités d'aide comme toute association de la commune au niveau des photocopies, au niveau du bureau. Tout ce qui est administratif. Tout ce qui est administratif, donc ça c'est important aussi. Alors est-ce que les artistes en ce moment sont payés à la recette ? Ils ont un cachet. D'accord. Oui. Ok, très bien. Ah ouais. Ils ont un cachet, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, mais qu'ils ont le cachet de base et voilà. Donc ça, c'est très bien. Mais parce que le public est nombreux et qu'on peut mettre une centaine de personnes dans les wagons. D'accord. Et si je peux rajouter, là, pour 2016, pour la saison, là, la municipalité, va s'engager à prendre deux spectacles, donc à nous aider sur deux spectacles de la saison. Super. Ouais. C'est une excellente nouvelle. Ouais. C'est une excellente nouvelle. Est-ce que comment vous voyez l'avenir des wagons au long terme? Imaginons que tout se passe bien et que la SNCF fasse un généreux don. Comment voyez-vous l'avenir des wagons? L'avenir des wagons, on veut que ça continue de cette manière-là, avoir plus de moyens pour proposer plus de choses, avec des spectacles qui coûtent plus cher, parce qu'évidemment, là, on est limité dans le coût. Donc, très souvent, c'est des duos. Hein, on a beaucoup de duos parce que ça représente peu d'artistes. Bien sûr. Ou en théâtre, des solos. Mais bon, ce serait plus intéressant... d'avoir des spectacles plus complets. Bon, on a aussi des projets qui sont plus coûteux avec une association avec les 5 scènes en campagne. Oui. Hein, donc c'est la Touline à Azé-sur-Cher, le Rossignolet à Loche, la Grange de Vaugarny à Artane, ou Pont de Ruan, je crois. Pont de Ruan. Et puis le Théâtre des Petits Balcons à Ferrières-sur-Larçon.

de la chanson. Nous sommes de retour avec Anne-Marie Renaud et Lauriane Caillot pour la présentation de cette première émission sortée autour des wagons de Saint-Bran. Encore une fois, merci de nous accueillir puisque nous sommes dans les wagons pour faire l'émission aujourd'hui. Et nous allons parler des prochains rendez-vous des wagons à mois d'avril qui est très chargé, me semble-t-il, avec deux spectacles, un atelier et une animation en lien avec la municipalité et la bibliothèque, si j'ai bien compris. On commence par les spectacles. Alors, les spectacles, on aura deux duos au mois d'avril. Le dimanche 3 avril à 17h, nous recevrons Désiré et Marguerite. Oui. Donc, c'est un petit retour dans le temps, dans les années 30-50. C'est de la chanson française. Et puis ensuite, on voyagera encore avec Madeira M le vendredi 29 avril à 20h30. Donc on voyagera aux quatre coins du monde puisque ce duo, Étienne Besnier, guitariste et percussionniste, et Armande Ferry Wilczek, qui est chanteuse et violoncelliste, on explore en fait des chansons du monde. D'accord. Voilà. Musique du monde, donc. Donc musique du monde. D'accord, du donc monde. On va voyager. Voilà. On va voyager dans ce mois d'avril. Alors comment on fait pour réserver ? Alors, on peut réserver en nous appelant déjà. D'accord. Donc, on trouve le numéro sur vos brochures. Sur la brochure, sur le site internet. Je rappelle les numéros. Oui, au contraire. Donc 02 47 59 43 53 pour le fixe. Et 06 87 37 90 74 pour le portable. Et nous avons également une adresse mail. Donc c'est les wagons, tout attaché en minuscules, leswagons37@gmail.com. D'accord. Et il est préférable de réserver, j'imagine. Oui. Parce qu'il n'y a que 80 places, hein, c'est ça, dans les wagons. Une centaine. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Réserver en amont. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux spectacles. Oui. Il y a également un atelier d'écriture prévu au mois d'avril. Deux ateliers. Alors donc, nous avons un atelier d'écriture autour de la nouvelle. Donc ça va se passer sur tout un week-end, animé par Laetitia Testard, qui est une professionnelle des ateliers d'écriture. D'accord. Et donc, on va se mettre en jambes, si j'ose dire, le samedi matin. Ensuite, il y aura un repas partagé et l'après-midi, retravail autour d'un écrit, ou trois écrits plus précisément, pour justement affiner le style, les idées de ce dont on veut parler. Et on se retrouvera le dimanche après-midi pour peaufiner la nouvelle sur un des petits textes qu'on aura écrit le samedi après-midi. Et là, on écrira une nouvelle complète. Donc voilà, donc vous pouvez encore vous inscrire. Il reste quelques places. Parce que tout le monde peut participer à ce genre d'atelier. Tout le monde peut participer. Bon, il faudra peut-être adhérer. Oui, pour bah, pouvoir participer, voilà. C'est... Et c'est 50 euros pour le week-end. Oui, ce voilà. Pas grand-chose. Donc, et c'est donc le 23 et 24 avril. Hein. Donc, téléphonez, vous aurez d'autres renseignements. Au même numéro qu'on indiquait tout à l'heure. Et puis, un deuxième atelier d'écriture autour de la chanson. D'accord. Voilà, donc ça, c'est Dominique Solamins qui va l'animer. Et là, ce sera réparti de la façon suivante. Sur 5 jeudis, de 20h à 22h, hein, c'est 5 euros la séance et ce sera à partir du 7 avril. Voilà, le 7 avril, le jeudi 7 avril, on va démarrer, donc c'est bientôt. D'accord, donc, en plein milieu des vacances scolaires en fait. C'est pendant les vacances scolaires. Excusez-moi, je me trompe. Mais non, si, c'est le 7 avril, on n'avait pas calculé que c'était les vacances scolaires. Mais bon, c'est pas grave. Non. Voilà, le 7, le 14, le 21, le 28 et le 12 mai. Donc là aussi, d'accord, il reste quelques places, donc on prend à peu près une dizaine de personnes. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis, il y aura aussi une activité qui va être proposée pendant les vacances scolaires du mois d'avril, en lien avec la mairie et les associations de Saint-Bran, donc Loisirs 2000, autour, eh bien aussi, ce sera un atelier d'écriture, mais là, pour les jeunes de 8 à 10 ans. D'accord. Et ce sera en lien avec la fête des 10 ans de la bibliothèque de Saint-Bran. Donc voilà, nous allons jouer avec les mots. D'accord, donc, là aussi. Super. Donc on passe par la bibliothèque. Donc là, je pense que c'est par la mairie. Par la mairie directement. Voilà. D'accord. Donc je ne connais pas encore la date précise, elle doit se fixer là cet après-midi. D'accord. Bon, voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci de nous avoir reçus encore une fois. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Belle fin de saison 2016 et puis plein de courage, plein de belles choses pour la suite des wagons. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités autour de la culture, autour de la culture sur le Val de l'Indre. À bientôt.